jamais, jamais, jamais d'où tu viens, d'où tu viens. Si l'on croise ton sorcel et que tu voudrais bien partir à tire-d'aile pour aller voir ailleurs, être comme un nomade et savoir ouvrir son cœur. N'oublie jamais, jamais, jamais d'où tu viens, d'où tu viens. Si tu te perds sur le chemin, n'oublie jamais, jamais, jamais d'où tu viens. Et dis toujours, toujours, toujours où tu vas, où tu vas. Que ceux qui tiennent à toi sachent et ne s'inquiète pas, qu'ils puissent te retrouver en cas de nécessité. Car on ne sait jamais où l'on peut mettre les pieds. N'oublie jamais, jamais, jamais de dire où tu vas. Que ceux qui tiennent à toi sachent et ne s'inquiète pas. N'oublie jamais, jamais, jamais de dire où tu vas. Tire-d'aile pour aller voir ailleurs, être comme un nomade et savoir ouvrir